快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 带您遨游缤纷多彩的 CD 世界，带您畅享音乐的盛宴。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天7点19点播出 CD 博览。 欢迎收听 CD 博览，我是古月，请欣赏 DG 唱片出版的奥芬巴赫声乐作品精华集，德国女中音索菲冯奥特演唱的奥芬巴赫著名轻歌剧经典唱段。 Je n'en sais rien, ce que je sais. Que j'aime les militaires, Thank you.

Je les donnerai Me voilà, je suis le compositeur de l'avenir et je vous écrase tous, vous le passé, vous la routine. Je suis toute une révolution. Plus de notes, plus d'harmonie, plus de diapason, plus de gamme, de bémol, de dièse, de bécard, plus de forte, plus de piano, plus de musique alors. Si, mais une musique étrange.Inouï, indéfinissable, indescriptible. J'en ai toujours sur moi. Vous êtes prêts? Bien. C'est la marche des fiancés. Écoutez si vous pouvez. Le secret est grave. Jadis à l'école, c'est pas autre chose que t'abaisser. Tu crois faut essayer, ils vont recommencer. Soit, essayons. Ils vont recommencer. Extraordinaire. Ah, mais c'est dit. Extraordinaire. F-G-H. Sapristi, sapristi, je crois, tu s'embrouilles. Je ne sais pas, si j'ai bien compris. Je m'aperçois que je m'armouille. Je ne sais plus ce que je dis. Ce sont eux qu'on peut entendre. Si c'était nous qui nous trompions. Voyons, tâchons de nous comprendre. Je viens, tâchons, nous disions. S-R-S-T. T-P-A-H. X-R-A-Z-S-R-S-T. Oh, dans leur laitage, mets-moi d'amidon et moi d'eau. Mais ça perlotte, il y en a pas un pour égaler la petite boulotte, dès qu'il s'agit pas d'y voler. Il y en a pas un pour égaler la petite boulotte, dès qu'il s'agit pas d'y voler. Il y en a pas, il y en a pas. fin dans sa sienne. La main dans la sienne. J'entends le rire. Top-ti dans sa sienne. Youpé! Das Leben ist doch eine Freude. Youpé! Das Leben ist doch ein Plaisir. Youpé! Das Leben ist doch eine Freude. Youpé! Das Leben ist doch ein Plaisir. Je suis dans sa sienne. Je suis dans sa sienne. Quand tu dans sa sienne. Tout fin dans sa sienne. Je suis dans sa sienne. Je suis dans sa sienne. Mon souffle du vieux dans sa sienne. Vivez nos balades, nos vieilles chansons. Nos folles campagnes dans nos fricassons. C'est dans nos familles qu'on voit Dieu merci. Les plus belles filles, je dois croire ainsi. C'est dans nos villages qu'on voit de tout temps. Dès ce ménage de nos enfants. Oui, dans nos villages, on voit de tout temps. Oui, tout d'enfants. Qui, comme père et mère, chante d'une voix fière. Qui, comme père et mère, chante d'une voix fière. Top-ti dans sa sienne. Youpé!